La méditation en pleine conscience. La méditation en pleine conscience, également connue sous le nom de mindfulness en anglais, est une pratique de méditation qui consiste à porter une attention intentionnelle et non jugeante à l'expérience présente, telle qu'elle se présente, moment après moment. En d'autres termes, la méditation en pleine conscience implique de porter une attention consciente et non critique à ses pensées, émotions et sensations physiques, sans chercher à les modifier ou à les supprimer, mais simplement à les observer avec une curiosité et une bienveillance. La pratique de la méditation en pleine conscience peut se faire sous différentes formes, y compris assise, debout, marchant ou allongée, et peut être pratiquée pendant quelques minutes ou pendant des heures. La méditation en pleine conscience a été étudiée dans de nombreux domaines, notamment la psychologie, les neurosciences et la médecine, et a été associée à de nombreux bienfaits pour la santé mentale et physique, notamment la réduction du stress, de l'anxiété et de la dépression, l'amélioration de la concentration et de la créativité, et l'augmentation de la résilience émotionnelle. La pratique de la méditation en pleine conscience. La pratique de la méditation en pleine conscience peut sembler intimidante ou difficile au début, mais elle peut être abordée de manière simple et progressive. Voici quelques étapes pour commencer à pratiquer la méditation en pleine conscience. Trouvez un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable avec la colonne vertébrale droite et les épaules détendues. Portez votre attention sur votre respiration, en observant le mouvement de l'air dans votre corps, en sentant l'air entrer et sortir de vos narines, ou en remarquant le mouvement de votre abdomen. Essayez de rester concentré sur votre respiration, sans vous laisser distraire par d'autres pensées ou sensations. Si des pensées ou des émotions surgissent, observez-les simplement sans les juger, puis ramenez votre attention à votre respiration. Pratiquez cette observation attentive de votre respiration pendant quelques minutes, en étant présent à chaque moment, sans chercher à modifier ou à contrôler votre expérience. Progressivement, vous pouvez étendre cette pratique de l'observation attentive à d'autres aspects de votre expérience, tels que les sensations corporelles, les pensées et les émotions, en portant une attention bienveillante à chaque expérience sans jugement. La pratique régulière de la méditation en pleine conscience peut vous aider à mieux comprendre votre expérience intérieure, à développer une plus grande clarté mentale et à cultiver une plus grande présence dans le moment présent. Il est recommandé de pratiquer la méditation en pleine conscience tous les jours, même pendant quelques minutes seulement, pour en ressentir les bienfaits. Dans la page 5, nous allons parler de la visualisation créative, page 5.